boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Je rêve, je fais un vœu. Mais toi, tu fais tourner la tête aux étoiles. Mes idées s'en mêlent, se démêlent, s'éloignent. Abandonné, si loin sous ton charme, il nous faudrait des heures. Des mots et des âmes. Mais toi tu fais tourner la tête aux étoiles. Dans notre sillage, un message d'amour. Si je compte les heures, si je n'ai plus peur, c'est qu'il n'est pas trop tard. Perdu dans ton regard. Si je compte les jours, si j'attends mon tour, c'est que j'aime à y croire. Perdu dans ton regard. Jusqu'à ou jusqu'à l'eau. Pour une nuit éternelle. C'est que j'aime à y croire. Non, vous n'écoutez pas Radio Zinc, nous sommes bien au 104.6, mais comme tous les lundis, Pop & Rock va essayer de vous envoyer le meilleur du rock français et international. Et si Colors of Tweet a ouvert le bal avec son Aux Étoiles, c'est bien auprès de Shakespeare que le groupe français Colors of Tweet s'épanouit, notamment en s'inspirant, je trouve, fortement de Coldplay, comme dans The Gods of Wonder qui arrive tout de suite. Ce soir, je pensais vous envoyer du rock, plus même, du rock en anglais bien pur, bien dur. Et voilà que je vous envoie le Danse mécanique de June and the Jones. Dans cet univers tout blanc, cette fourmilière de glace, je regarde les gens qui passent. Ça fait depuis bien longtemps que je cherche ta trace. Même mon amour, le temps nous dépasse. On sera plus comme avant. Nos cœurs s'enlacent pourtant. Jamais plus comme avant. Et nos corps lassés, danse mécanique. Alors promesse. Adieu, c'est tout ce qui reste. On restera de nous. Danse mécaniquement. Comme Color of Streets, les Français de June and Jones jonglent en terre polyglotte. Voici donc Dancing in the Moon par June and the Jones. Today the future came my way to grab me for good. It took me to a lonely bay, so I'll take off with you. And we'll be rocking to the beat. No gravity feels so good. Dancing on the moon. Thousand rockets in the sky, and we all grooving so fun. Dancing with you, oh. Single move you make it is lighter than air. No buzz, no sound, no fuss, no joker. Just silence in the atmosphere. And we'll be bouncing till the earth rising down, make us feel good. Dancing on the moon. And I'll be jumping with you, baby. We're all feeling so fine. Dancing for you. take me to the moon. Dis donc, le programmateur, c'est un début de pop and rock qui n'a ni le goût de pop and rock, ni l'odeur de pop and rock. T'es sûr que c'est bien un pop and rock? T'as raison, la voix off. Allez, voici Master Freak, nouveau titre produit par Raskolnikov. Vous écoutez Pop and Rock sur la très locale RVR. The one you want, little could in this world. There is nothing sure in this world. There is nothing pure in this world. Yet there's something left in this world. Mais là, pas de doute, la voix off, hein, ça sent la fumée épaisse dans Pop and Rock sur RVR. Oh oh, c'est clair, heureusement. Allez, tiens, envoie-nous un petit Royal Blood. Ok. Listen. Raskolnikov, Roland S. Howard, Royal Blue de UBSX, ça y est, dans Pop and Rock, l'église est remise au centre du village. Avec ça, on va pouvoir s'appuyer sur nos fondamentaux pour repartir à la découverte de nouveaux groupes comme tout de suite les Français de Équipe de Foot. Ouais, Équipe de Foot. I got anger towards the world. The more I see you, I ils ne sont pas 11, ils sont de 2 voix, une guitare, une batterie, c'est Équipe de Foot qui joue en seconde mi-temps dans Pop and Rock avec tout de suite Faking Poetry, Équipe de Foot. Faites gaffe, ça fait mal aux oreilles, Équipe de Foot est dans Pop and Rock. Maybe I'm not blind, maybe there's no point in going again. Maybe I don't mind, maybe there's no meaning in anything. Maybe I should have made music in my 20s. Maybe I should let it go and forgive. Maybe I should tell my deux mecs en tenue de foot, maillot vintage des bleus et short trop grand pour eux, c'est équipe de foot. We'll be right back. duo français en mode batterie, chant, guitare, il y a aussi les paysans de The Inspector Clouseau. Allez, on se finit. Oh, dis donc, c'est pas beau ça. Oh, ça suffit, la voix off. On finit, si tu préfères, avec des groupes français, à commencer par les incontournables pop and rockins de Clinique Rodéo. Close on her face, she's not going at all. She's takes our secret shoes and sprays our blue wall paint. On the top of the hills, on the top of the hate. She's a girl we can run. Tout à l'heure, l'Australie reprenait White Wedding, du blond peroxydé à la lèvre saillante. C'est à présent aux Liminianas de s'emparer d'un autre classique des 80s. Liminianas reprend le Russian Roulette des vieux Lords of the New Church. Allez, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous.